Il y a des gros et des gros rats. Spécial dédicace. Joue pas le mec qui pèse, alors t'as rien dans les fous. T'as jamais de shit, jamais de club, jamais de fruits, jamais de feuilles. Sur les galops, t'étonnes pas qu'il te reste le cul de joint. T'as même pas de portable, si par hasard on cherche à te joindre. Chaque fois que je te vois, tu me dis paye-moi si paye-moi ça. Mes skins dans tes poches, t'as qu'une massa qui pue moisi. Arrête de te plaindre, mec, va ton taffer à l'usine. Même les petits peu de fiches, tu les grattes, putain, j'hallucine. Quand les keufs te fouillent, on se rend compte que t'as tout ce qu'il faut. En fait, attends que tout le monde rentre chez soi pour faire ton perso. Salopard, t'es le roi du bluff, tu fais style. T'invites ta meuf au resto, en vérité, c'est elle qui te l'offre. Je suis sûr que tu traînes avec nous par intérêt. Tu mets les gens en galère, même ta banquière c'est enterré. Rien que t'es endetté, wanted dans toutes les villes, PD. La crobardise dans les dotés. Ok, que de la perte, c'est ce à quoi tous tes héros s'attendent. L'autre fois t'as osé venir me pécho à 1,50€. Putain, les types comme toi, moi je les vois et mieux je me porte. Aucun bénéfice, tu m'apportes, vas-y reste derrière ma porte. Si tu faisais en sorte de t'en sortir, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à un mec qui se prend pour la plus grosse ordure. On t'invite même pas dans les plans, rien que tu t'incrustes. Ta mère en a trop marre de toi au point de te traiter de fils de pute. Quand t'as ton père tous les matins il te réveille à coup de balai. 9h du mat, ta journée commence, t'as rien à te foutre sous le balai. T'es une merde mais tu t'en rends pas content contre le type. Pas petit à petit tes potes se posent, tu galères avec les types. La crevardie, je sais pas si ça soigne. Quand tu me ramènes des polos obligés sur les pouces, tu me fais la douane. Lâche le cul de vieux connard, on dirait que tu fumes tes doigts. C'est bon, tais-toi, je vais te rappeler tous les craies que tu me dois. C'est bon, tais-toi, je vais te rappeler tous les craies que tu me dois. Ça te revoit, vas-y, casse-toi. Ta mère, ok. Tu grattes sur mon grec, et chez toi t'as le frigo rempli. Cherche pas à boycotter son, fais-le péter dans l'ampli. On devrait te filer l'Oscar du plus gros teur gras. Comme dit Lams, tu dis que t'es en chien, mais t'es ma comme des gras. Un ingrat pour qu'à fumer sur le dos de la société. Tu branles rien toute l'année, tu te retrouves seul au quartier tout l'été. Des histoires j'y crois plus, on sait que t'es une crapule. Même à ta mère tu serais capable de mettre la pilule. Me propose pas d'aller avec toi sur les champs. Le seul truc que tu sais faire c'est parler sur les gens. Tu mets le somme, en somme t'es un putain de rataillon. Le peu de plan que t'as, tu vas les faire en soum soum. Sale rat. Sale rat. Raclure. Crevard. Rataillon. Ouais. Espèce de crateur. J'ai rien pour toi. Rien de te demander, vas-y, va travailler. Va au charbon, putain, comme tout le monde. La clique mon pote, aïe. OCP, LANS, SPYK, PAPI, Popol, Coco, la malice.